les autorités. La musique. Ah! Humaniser les hommes. Dans les festivals. L'orchestre. Fini de tous ces bruits. Tes mains. Tes pieds. Thank you.